croire, non, non. À la droite de Jéhovah. Aux portes des cieux, accueillis par Dieu, nous pouvons entrer dans l'éternité. Assis avec Christ, à la droite de Dieu, la vie éternelle nous est garantie. Personne ne prenne ta couronne. J'espère te voir.